Salut les accros, ici Big Ben. Antithèse. Rétro Gamer PQ. Et Marie-Lune. Pour le podcast des accros, nous sommes l'édition du 18 septembre 2012. Avant toute chose, bonne fête Marie. Merci. Bonne fête Marie. 29 ans, notre chère Marie-Lune. Oh, bateau. Arrive sur le cap de la trentaine. Oh, bateau. Les gars, vu que vous êtes plus vieux que nous deux, vous pouvez quand même nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui arrive avec la trentaine? Bon, il arrive qu'à la trentaine... Il arrive qu'à la trentaine, t'arrives à la trentaine, hein, c'est ça. Il n'y a pas de métamorphose primitique. La trentaine, c'est une prise de conscience sur ce que t'as fait de ta vie jusqu'à maintenant. Puis là, tu te rends compte que finalement, t'as moffé bien des affaires dans ta vie. Et tu te rends compte que dans le fond, effectivement, t'as moffé bien des affaires dans ta vie. Ah, vous êtes encourageant, merci beaucoup, les gars. Vous êtes vraiment génial, les gars. Ou encore, tu peux te dire que t'es rendu à 30 ans, ben là, c'est le temps de prendre le dessus. Mais si t'as déjà pris le dessus, ben là, c'est le temps encore de prendre encore plus le dessus. Ah, ok. Comment ça va, vous autres? Ah, c'est si bol. Grosse pluie à Montréal. Oui, effectivement, il pleut beaucoup ce soir. Il pleut à Montréal. Ouais, il pleut ici aussi à Québec. Mais bon, chialons pas, parce qu'on a quasiment pas eu de pluie cet été, fait que... Ben, c'est ouais, ben, parle pour toi, hein. Ben là, le fleuve, tu vois comment il est tellement bas, là, depuis des années, je l'ai jamais vu de même, fait que... Ah, c'est peut-être, mais durant mes vacances, j'ai eu de la pluie en maudit, fait que... Ah, ok. Je suis fru encore. Pauvre toi. Fait que, écoutez, on va parler de... C'est l'édition spéciale Comic-Con cette année. Ben, on va... Cette année? On a eu en fin de semaine, les quatre ensemble, on était présents. On va en discuter un petit peu plus tard après le show. Mais d'ici là, je vais partir tout de suite avec les nouvelles. Puis après ça, on va pouvoir commencer à discuter du Comic-Con parce qu'on a quand même beaucoup de choses à dire. Est-ce que ça vous va? Bon, ben oui. Numéro 1. Alors, on va commencer avec les premières nouvelles. On commence avec, pour notre cher, nos chers fans de Resident Evil, il y a une nouvelle critique d'Antithèse qui est apparue sur le site. Vous pouvez aller voir. Mais également, la démo de Resident Evil 6 est maintenant disponible. Yay. Attends une minute, la critique que tu as à dire contre ma critique, toi, monsieur. Non, j'ai rien à dire contre ta critique, contre le film plutôt. Parlez plus du film. Ah, ok, c'est bon. J'en parle justement. Ouais, j'ai commencé à écouter ton truc, ouais, puis... Mais écoute, Ben, tu parlais de Resident Evil 6. Oui. Apportons du soleil et de la joie dans ce podcast. Parle-en plus, s'il te plaît. Ben, on a eu une nouvelle comme quoi que la Resident Evil 6 est disponible maintenant en démo, téléchargeable sur 360 et sur PS3. Cette dernière est différente de la version de Dragon's Dogma. Fait que vous allez pouvoir profiter un petit peu des trois campagnes du jeu. Oups. On a le téléphone. Donnez-moi un petit instant. Je vais le donner à Marie-Lune. Et il faut s'attendre à ça aujourd'hui, vu que c'est la fête à Marie-Lune. Alors, on risque d'avoir des téléphones durant la discussion. Mais non, c'est ça. Elle va être différente de la version Dragon Dogma. Donc, si vous avez tenté de jouer à une nouvelle démo, elle dit fort. Probablement, je vais aller le télécharger après le podcast. Est-ce que sur Xbox 360, il faut absolument être un Gold Member pour l'avoir? Je pense que... Oui, Xbox Live pour les membres Gold, malheureusement, oui. Bon, ok. Alors, pour ça... Moi, c'est plate, mais Xbox a toujours été gâteux avec ceux qui étaient sur Gold qui ont rien foutu avec ceux qui étaient Silver. Fait que c'est pas nouveau, malheureusement. On va jaser à présent d'une des franchises préférées à moi puis à Retro, Killer Instinct. On a su cette semaine que Microsoft a décidé de garder la licence Killer Instinct pour eux-mêmes. Non, fais-le. Ça veut pas dire qu'il va y avoir un nouveau volet qui va être en préparation, mais ça veut dire que quand même Microsoft veut peut-être faire quelque chose avec la franchise. Qu'est-ce que ça pourrait être? J'espère que c'est un port, au moins du 1 sur... c'est ce que j'aimerais le plus. Je veux pas défaire ton optimisme, là, mais il y a beaucoup de compagnies qui gardent les droits de vieilles franchises juste pour pas que les autres fassent de quoi de bon avec. Mais... C'est la vérité, malheureusement. Ouais. Tu veux pas dire qu'ils vont faire de quoi. Non, je sais, je touche du bois. J'aimerais juste ça, vraiment, parce que sérieusement, là, j'adore ma cassette sur Super Nintendo, mais j'aimerais ça l'avoir à l'arcade. Jouer la version arcade. Tu sais, celle avec vraiment, tu sais, t'avais des petites animations. Puis, tu sais, moi, je me rappelle surtout d'une animation, c'était Combo qui était dans son char en train de lever les poings, là, puis faire comme yeah, yeah. J'aimerais ça le revoir, parce qu'on ne l'avait pas sa version Super Nintendo. YouTube. Oui, YouTube, oui, mais je veux le jeu devant moi. Je veux le réessayer. Oui. Fait que si je gagne une coupe de 1000, ben, à un moment donné, je vais peut-être l'acheter. Je suis allé le retrouver. ben, pour ceux qui désirent avoir peut-être une nouvelle PS3, attendez ce mois, d'ici la fin du mois. Il se pourrait qu'il y ait une nouvelle version de la PlayStation 3 qui sortirait ce mois-ci. Et ça serait une version super slim. Super slim. Qui serait avec un disque dur de 500 gigs et un autre qui aurait un disque dur de 12 gigs en mémoire flash. Ah, si, bol! Quand même, pas rien. Je veux voir le modèle avant. Là, j'ai mon PS3 pareil, fait que je pense pas m'en acheter un. Mais, tu sais, s'ils ont un beau modèle d'une nouvelle couleur, sait-on jamais. Je vais peut-être vouloir investir pour. En même temps que je vais acheter ma nouvelle télé prochainement. Quand j'ai su que notre cher Wii U avait seulement des fils HD, HDMI, et que ma vieille télé a juste des 6 couleurs, j'ai fait comme, ouais, ça me désenchante un petit peu. Un peu, hein? Bienvenue en 2012. Hein? Oui, hein? Ouais, je sais. Ben, tu sais, c'est comme, je m'étais habitué d'avoir des fils 3 couleurs, 6 couleurs, fait que tu sais, j'étais comme pas si payé. Ma Xbox avait branché 6 couleurs, tu sais, c'est un petit peu plus beau, là, mais tu sais, quand même. Je prévoyais pas changer de télé tout de suite, mais je vais le faire bientôt. Fait que je vais regarder ça en fin de semaine pour une nouvelle télé prochainement. Pour nos fans qui attendaient la nouvelle version de Baldur's Gate Enhanced Edition, ben on a eu une mauvaise nouvelle comme quoi que le jeu va être retardé et va être repoussé en novembre. À la grande déception de ben des joueurs qui avaient hâte de jouer à Baldur's Gate. Je sais pas les gars si vous autres vous êtes des fans de cette série-là. Après, j'ai bien aimé Baldur's Gate dans le temps, là, sauf que je sais pas, là, je l'ai déjà, puis je vois pas ce qu'il y a de mieux, de en tout cas, selon les screenshots que j'ai vu, je vois pas vraiment ce qu'il y a de bien amélioré. Ben, c'est surtout d'avoir les extensions complètes, puis de pas avoir changé de CD non plus. Ouais, mais tu peux plus faire, t'as plus besoin de faire ça, que GOG.com, tu peux l'acheter normal, puis t'as pas besoin de faire ça. Ben, c'est sûr que ça y va avec les moteurs graphiques du 2 aussi, donc un petit peu plus beau. Wow. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de dépenser de l'argent pour ça? Ça va pour Android. Pour jouer avec ma tablette, peut-être. Ouais. Ça pourrait être différent. Je sais pas qu'est-ce que ça là, donne. T'as dit le mot qu'il fallait pas. T'as dit Android. Fait que là, j'ai dit il va bien falloir que je check ça à cette heure. 5 Android. regarde, je vais savoir. Je vais avoir une Nexus un jour. Pour le. Les personnes comme moi qui ont beaucoup de jeux sur la Wii en téléchargement, soit sur la Virtual Console ou la WiiWare, j'étais inquiet par rapport à ce que nos jeux allaient être transférables de la Wii à la Wii. Et Nintendo nous a répondu. Sont posés. Et oui, ça va être officiel, on va pouvoir transférer les jeux. La seule affaire, c'est que on pourra transférer les jeux si on a les deux consoles en même temps simultanément branchées sur Internet. Donc faut en aller juste une de brancher sur Internet pour pouvoir faire la job. Non, faut aller les deux brancher sur Internet. Ah, ok. Non, c'est pas ce que j'ai lu. Moi, j'ai lu que ça allait être un système de transfert comme avec la 3DS. Mais parce que les machines, en tout cas, là, la nouvelle que j'ai ici, c'est vraiment les deux machines devront être connectées simultanément au net pour valider le transfert. Même si tu peux le faire avec une carte SD. Donc, c'est selon vous autres. Là. Moi, en tout cas, moi, la nouvelle que j'ai que devant moi, c'est bien ça. Là. À moins que Nintendo décide de changer ça à la dernière minute. Mais la nouvelle que j'ai devant moi, c'est ça. Mais j'avais quand même, tu sais, j'avais peur de d'être obligé d'aller ouvrir ma Wii et d'aller jouer à mes jeux là-dessus, de la refermer, de la resserrer. Puis après, ma Wii. J'aurais pas aimé ça, pas en tout. Je veux garder mes jeux quand même. Savais-tu aussi qu'il n'y a plus de Wii U disponible en pre-order aux États-Unis? Je sais, puis dans un sens que, ben, tu sais, vu que j'ai pas pu avoir ma télé, ben, tu sais, j'ai comme pas pu avoir la chance de l'avoir pour moi aussi, là. C'est ce qui m'a comme agacé un petit peu, là. Pour moi, on va être obligé de savoir faire comme avec la Wii. Et il va manquer de stock pendant un bout. Ah, mais Nintendo, ils ont fait ça. Hein. Ils font ça souvent. C'est leur, leur méthode de vente. Je travaillais dans le temps chez Microplay. Lorsqu'il y avait Super Mario Bros. Qui était sorti. Puis écoute, là, il était sorti avant les fêtes. Puis tout le monde cherchait le moyen d'en avoir un. Puis c'était pas évident. Là. Puis on se faisait comme des batchs de 3 ou 4 jeux. Là. Ah ouais. Je peux confirmer ce que Ben vient de dire. Moi, j'ai été obligé d'aller acheter ma Wii à Toronto. Ma belle sœur est allée chercher. Elle voulait ta Wii. Royal a été en fil pour aller au, directement au, au eBay Games pour aller le chercher. Elle était comme l'année dernière à l'avoir. Elle était mardeuse. Je comprends amplement c'est quoi d'aller chercher une Wii. Là. Mais moi, j'aurais pas été jusqu'à à Toronto pour aller chercher ma Wii, par exemple. Ah, oh, mais là, je l'ai fait venir, là. Je vais pas la chercher, là. Ah, oh, ben là, c'est différent. J'ai un boss, il avait fait venir la PS2 dans le temps, qui était sortie au Japon, puis n'était pas sortie ici. Il l'avait fait venir, puis il l'avait branché dans son ancien magasin, puis on pouvait aller jouer des games de Tekken Tag Tournament. C'était vraiment okay. C'était l'époque, là. Sauf qu'à Star, je connais plus personne qui fait ça, d'aller chercher les consoles directement au Japon, là. Non, c'est rare. Là. Plutôt rare à cette heure. Faut vraiment que tu sois un maniaque là, épouvantable. Là. Mmh. Ou bien que tu veux vraiment des jeux exclusifs de là-bas, c'est sûr. Oui. Faut savoir lire le japonais aussi. Ben, j'ai une des filles avec qui je travaillais quand j'étais jeune, mais quand j'étais cuisinier, elle, son trip, c'était vraiment d'acheter toutes les affaires du Japon, puis elle était en train de passer des examens pour apprendre le japonais. Puis, écoute, là, je capotais la manière que c'était fait, les examens, parce que t'avais facile, facile, facile, ultra dur. T'es comme dans une coche, m'emmener de, OK, t'apprends les mots, tout ça va bien. Puis après ça, t'as un méga examen qui c'est super dur. Si tu le coules, ben, tu peux pas avancer dans l'apprentissage. Ouais. Fait que, tu sais, c'est comme, ah! Pas fort. C'est vraiment pas fort. Vous avez vu par rapport il y a une nouvelle qu'on a su lors du lancement de la date de lancement de la Wii U qui va avoir un jeu exclusif pour la Wii U qui s'appelle Bayonetta 2. Mm-hmm. C'est quand même si je m'attendais pas à ça ce qu'il y ait une exclusivité de ce genre-là sur la Wii U. Je m'aurais attendu ce que vu que Bayonetta était sorti sur PS3 puis Xbox, ben s'il aurait sorti un deuxième, il aurait sorti ses autres consoles. C'est un bon move. Oh, c'est un bon move, ça va. C'est Nintendo qui va le publier, puis c'est ça. Ils vont réussir à amener du monde à leur console, en tout cas. Bah oui, ils font les efforts qu'il faut. Il y a bien des gens qui sont intéressés aussi par Batman Arkham City Armored Core. Vu les nouveautés de gameplay qu'offre la Wii U avec le jeu. Maintenant, c'est ça va être suffisant pour acheter une Wii U. Bah, en tout cas, les ventes, il y en a sinon, là. Le monde, il se garantit dessus. Il reste à voir qu'est-ce qu'il passé. Fait que, on va voir. On est de retour. Désolé, des petits problèmes techniques nous ont empêché de continuer le podcast. Mais on a rattrapé Marilyn durant ce temps-là. Hey, salut! Alors, là, ça a l'air qu'on m'entend mieux. Oui! Oui, oui, oui. Alors, c'était un petit problème de micro qui était branché dans un port USB. Je sais pas pourquoi qui a décidé de faire chier de même, mais là, on l'a changé de bord. Ça devient beaucoup moins pire. Bon. Alors, sinon, à part ça, est-ce qu'il y a d'autres nouvelles rapidement? Avez-vous vu des vidéos par rapport au nouveau Windows 8? Non. Non. Moi et Marilyn, on a regardé les nerds hier. On a vu un petit peu ce que ça allait donner, puis sérieusement, c'est laid. C'est fucking laid. Il essaie d'être futuriste, mais il essaie trop d'être futuriste de ce que j'ai vu par rapport à des images. Pas les vidéos, les images. Moi, je trouve tout simplement que l'idée de dalle, tu sais, c'est comme. Oui. C'est fait quasiment comme une tablette, là. Oui, mais, exactement. Ouais, mais il n'y a pas un moyen de revirer un genre de Windows traditionnel. Ils en ont pas parlé, mais ça a l'air que non. Même le bouton démarrer n'existe plus. Ben, on va rester avec 7 jusqu'à Windows 9. Ouais, mais c'est si y a un ça, Windows Microsoft, 9 qui est d'allure. Oh, Microsoft, assez minimaliste sur leur produit, c'est t'as ce que t'as, puis tu fermes ta gueule. Ben regarde, moi je vois ça avec ça. Mais c'est pas ça avec Mac aussi, Pili. Tu fermes ta gueule? C'est moins pire. Ouais, c'est moins pire, mais c'est une plateforme fermée. C'est différent. Là, il essaie de se protéger. Max, parce qu'il essaie de arrête, là. Il essaie pas de se protéger. Il essaie d'empêcher le monde de développer puis de faire ce qu'ils veulent sur la plateforme. Mais t'as quand même des développeurs sur Mac. C'est ça le contre-argument. Plateforme fermée. Il faut absolument que tu ailles iTunes pour transférer tes... Non, il y a ça. Place à l'autre. T'sais, non, il y a ça. Tandis que sur Windows, tu plugues ton téléphone, tu transfères tes fichiers, puis that's it. Il y a ça. Il y a ça. Mais ça, c'est une affaire que j'ai également toujours dit, rétro. Fait que ça, je m'en cache pas non plus. Mais j'ai, en tout cas, j'ai jamais trippé sur un système qui était fermé de même. Parce que sérieusement, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup utiliser des petits logiciels. Tu sais, des fois que c'est pas les... pas legit, mais tu sais, comme open source, puis ben oui. Dans des systèmes aussi fermés, tu peux pas les utiliser, puis c'est ça qui m'agace. Autant que, tu sais, par exemple, il y a quelque chose que moi, ça va me faire regretter à un moment donné, c'est quand les ordinateurs vont enlever les tourelles, puis les ports, les CD. Moi, j'étais habitué d'avoir des CD, j'ai plein de CD de vieux jeux qui datent de longtemps, puis que je joue encore avec. Ça va tellement faire de quoi que je pourrais plus l'utiliser bientôt, là. Pareil. C'est à peu près ça pour les nouvelles cette semaine. Est-ce que vous en avez, vous autres, de votre côté? Pas spécialement, non. À part le fait que... justement, c'est ça qu'on parlait, qu'il n'y avait plus de pré-order disponible aux États-Unis avant oui. Que tu aies tes problèmes de son. Oui, oui, oui. Puis, il me semble que j'avais une autre nouvelle, mais je m'en souviens plus. Mais il y a encore la rumeur que GTA V va venir sur la Wii U. Ça, c'est pas surprenant, je te dirais. Puis, il y a encore une autre rumeur comme quoi que le film de Castlevania a recommencé. Oui, j'ai vu. A commencé son tournage. J'ai vu, c'est qui allait jouer dedans, peut-être. Ouais, mais en tout cas, moi, j'ai vu Paul S. Anderson comme directeur. J'ai dit, oh, Chris. Attends, t'es sérieux? Attends, t'as pas entendu ce que j'ai vu tantôt, hein? Non. Le gars qui faisait Worf dans. Ben oui, Michael Dorn. What the fuck? Il joue un werewolf. J'espère qu'il fera pas Simon Belmont. Non, il fait un loup-garou. Ah, ok, ça a peut-être du sens. Fait que là, Reto, t'aimerais me dire que Anderson a repris le projet? Ça a l'air ça. Parce qu'en 2007, il était attaché au projet, je pense que c'est 2007. Puis ensuite, il a dit, ben fuck off, je vais me concentrer sur mes autres projets. Puis finalement, je sais pas, il y a tellement une nouvelle contradictoire que je sais pas, là. Ça, il y a eu un bout, c'était Sylvain White, puis après ça, c'était Anderson, c'était quelqu'un d'autre. Là, ça ressemble à être Paul Anderson encore. Là, je sais plus. Là. Moi, je m'attends plus en tout à un film de Castlevania. Moi, ben, peut-être que ça a redonné goût avec la nouvelle franchise Lord of Darkness. Shadows, désolé. Probablement que c'est ce qui a peut-être donné goût de recommencer. Tu veux pas. Ça apporte une vision différente au... En tout cas, si c'est Anderson, ça va être botché. Là. Je sais que ça va être botché. Je m'attends à ça. C'est plate, mais ces films de Resident Evil sont tellement pourris en plus. Là. Oui, c'était des bons films d'action jusqu'au dernier. Ah, mais moi j'ai arrêté après le deuxième. Oui. Deuxième, j'étais plus capable. Mais c'était pas Resident Evil. Ouais. C'était... comment je pourrais dire ça? C'est comme quand tu fais une recette, là, puis ouais. Tu décides de mettre des ingrédients par rapport dans une recette traditionnelle. Ok. Mettons que tu rajouterais du. Puis là, tu brasses. C'est un fanfic. C'est un fanfic. C'est Anderson qui s'imagine la femme super forte et paf, on a Alice. Oui. Là, style Mary Sue de marde. Je suis tellement déçu, là. Sérieusement, là, cette série-là, là, j'ai donné trop d'argent. Je veux dire, jusqu'à Retribution, j'étais OK. Bon, c'est quand même des films d'action. J'étais un bon public pour ces films-là. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, j'y suis allé et puis j'avais hâte de sortir. Ça en dit long. Tu sais, j'avais hâte de sortir. J'ai été obligé de l'endurer jusqu'à la fin pour le voir au complet, là. Oh mon dieu. Fait à vous, la fin, là, vu qu'on est dans un podcast, il y a souvent des gens qui l'ont pas vu. Là, je veux pas le spoiler. Si vous voulez voir ça, le spoiler, regardez mes vidéos. Mais encore là, même moi, je suggère juste pour être juste de. Si vous tenez à voir le film, allez à le voir, sinon, dans la vidéo, je vous avertis une dernière fois, il y a des spoilers. Mais avoue, à la fin, là, c'est comme... Non! Ça marche pas pour toi! Non! Mais, écoute, tout le long du film, c'était des affaires qui marchaient pas, là. Exact! Tu sais, des introductions de personnages qui ont jamais été dans la série de films, qui là, tout d'un coup, sont juste là, puis, tu sais... Ça meurt de gauche à droite. Il n'y a pas d'introduction, rien, pas d'histoire, rien. C'est vraiment de la merde. C'est ça! My God. Ça en dit long, hein? C'est une grosse merde monumentale. Écoute, facepalm tout le long du film. J'en croyais pas mes yeux. Il y a des fois que je voulais même pas regarder l'écran tellement que j'avais honte d'être dans la salle. Là. OK, ça en dit vraiment long. Sérieusement, là... Moi, après le troisième, là, j'ai fait comme « Ok, fuck off, je suis plus rien. » Ça, j'ai plus jamais eu le goût de la suivre, cette série-là. Là. Ben, c'est d'un ça. D'un à quatre, excuse-moi. Excuse-moi, rétro. Hein? Je dis « Excuse-moi, rétro. » Non, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je t'ai coupé. Ah, non. Ok. Pas de pantoute. Pour être juste, dis-moi ce que t'en penses, rétro. De 1 à 4, ben écoute, on... Un, il est quand même bon pour ce que c'est. Deux, il est juste le fun. Mais tu sais, c'est brain fart. Le 3 est encore plus brain fart. Le 4 est encore plus brain fart. Mais tu sais, au moins, c'est des films qui s'assument comme étant un film d'action qui se prend pas trop au sérieux. Ben, c'est ça, dans le 5, ils se prennent un peu trop au sérieux. Sérieux, tu dis, il y a pas de sérieux partout là-dedans? Non, tu comprends pas. En tant que film, le film, ça prend au sérieux. Ouais, je sais. Mais je pense qu'il y a plus... That's the point. On dirait qu'il a essayé de mélanger le plus de trucs possible dans le dernier pour genre satisfaire son public. Son ego. Pas quoi, là. Puis mais une critique que j'ai vue qui est assez intéressante, qui résume bien la chose, Paul W. Anderson condense ses 4 autres films en un. Et ça donne 5. Ouais, on pourrait dire ça, ouais. Avec le nombre de personnages qu'il y a là-dedans, là. Dis que j'en ai parlé pendant 35 minutes de cette marde-là. Calique. On rajoutera. Ben, à quel point qu'on aime bien ce film. Ah, regardez, moi, là, vous me donnez vraiment pas le goût de l'écouter, là. Puis... Je te le conseille pas. Non, je l'écouterai pas plus. Non, je vais attendre que le nouvel anime sort, là. Lui, ça devrait être pas mal d'être torché. Il y a des gens qui vont être trompeurs. Ben, nous, on le sera pas trompeurs, là. Non. No way. Mais on va regarder ça. Moi, je vous dis, on garde l'œil pour l'anime qui sort à la fin du mois, là. Ça va torcher des culs. Sérieusement, là. Yeah. Ça, là, j'ai tellement aimé le premier film que le deuxième, je m'attends à... Regeneration, c'était pas le film du siècle de Resident Evil, là, mais c'était bon. C'est ce qui aurait dû être. C'est très bon, selon moi. Ben, gars, écoute, moi, je pense que Dawn of the Dead aurait dû être Resident Evil. Là. Ouais, j'avoue. C'était une des influences majeures pour Resident Evil aussi. Ben oui. Fait que on va partir en pause musicale, le temps d'aller se ravitailler en eau et en tout alcool et toute boisson possible. Et, déjà? Et oui, on n'a pas le choix. Il faudra quand même après parler du Comic-Con, parce qu'on va avoir beaucoup à jaser. Oh, ça va être long, ça va être long et très bon ça. Ça va être... Oh oui! Alors, pour partir en pause musicale, on s'en va écouter une pièce de Peter Olin et Lindsey Stirling. Qui est la chanson de Skyrim, faite par les deux. Donc, on a le violon de Lindsey Stirling et la voix de Peter Holland, qui donne un mix assez, assez bien, je vous dirais. Je vous laisse écouter ça, puis on revient après la pause. Yeah. Salut, c'est Éric Lafontaine et Maxime Paiement du Dernier Dé Podcast, le John McClane de la balado-diffusion au Québec. Et vous écoutez les accros des jeux avec Big Ben, Antithèse, Retro Gamer PQ et Marie-Lune. Les accros des jeux, le top 1 podcast avec un squelette pis une manette de NES dans le logo. Retour! Hello! Bonjour! Alors, nous sommes ravitaillés. Et avant toute chose, avant de commencer, on a un gros merci à dire aux gars du dernier des podcasts. Ouais! Éric Lafontaine et Maxime Paiement, merci beaucoup aux deux gars de nous avoir fait notre intro du podcast. Vous êtes vraiment génial, les gars. C'est cool! Oui, sérieusement. Mm-hmm. Puis je vous conseille, si vous voulez suivre ce podcast-là, allez-y si vous aimez les films d'action. C'est un podcast qui est spécialisé en films d'action. Ils en mangent, ils en écoutent beaucoup. Ils écoutent beaucoup de vieux films. Sérieusement, ça vaut la peine. Puis moi, ma petite recommandation, là, allez écouter leur spécial Bord routier. Ils ont fait le film Bord routier de Patrick Swayze. C'est drôle en hostie. Alors, on y va tout de suite. Avant de commencer à parler du Comic-Con, juste pour vous rappeler que pour les détenteurs qui vont avoir, les personnes qui vont avoir Torchlight 2 vendredi, on fait une game directement sur le site des accros. On organise ça en ce moment dans le forum. Donc, si vous êtes intéressé à jouer avec nous autres, les accros, ceux qui vont avoir les jeux, on va se passer une game vendredi soir à 20h sur Steam. Juste à me rajouter dans vos amis Steam sur Accro des jeux. Et on va probablement partir une coupe de game de Torchlight 2 en gang. Ça va être vraiment génial. Et rappelez-vous qu'on a notre spécial 3 ans le 29 septembre. Ouais! A lot of fun. La plupart des trop devraient être présents. Il y a des tris à tirer qu'on va faire tirer. Il va y avoir du plaisir. On va rire. Il va y avoir un chat live. Faut que vous jasez avec nous autres. Donc, si vous avez des questions, vous allez pouvoir les poser durant le spécial 3 ans. Ça va être vraiment génial. On a bien hâte, en tout cas. Oui, puis je veux tellement, tellement être encore la secrétaire qui pose des questions à tout le monde comme la dernière fois. Là, c'était trop de fun. Mais cette fois-ci, on devrait être capable de mettre la game en même temps. À cette heure que Marie et moi, on a acheté une petite télé pour notre salle d'ordinateur, mais on va être capable de brancher la télé avec notre ordinateur pour montrer la game mieux que la dernière fois où est-ce que j'ai dû enregistrer la télé à pendant la game de CE contre, je me rappelle plus contre qui ils s'affrontaient, Toughman, je pense. C'était un petit peu moins professionnel, mais là, ça va être plus le fun. Ah, mais là, cette fois-ci, on va pouvoir, puis ça va être vraiment cool. Toi, Rétro, tu vas être là? C'est quand, vendredi, ça? Le 29, ça tombe un samedi. Je sais pas. On va croiser les doigts, on va espérer que tu vas être là. Je peux jamais prévoir si loin, malheureusement. Pas dans l'état actuel des choses. Mais en tout cas, il y a moi, il y a Antithèse et Marie-Lune qui devraient être présents. Sid va essayer d'être là, c'est ce qu'il m'a dit lorsque je l'ai vu au Comic-Con. Okay. Il dit qu'il va essayer d'être là pour le spécial 3 ans. Donc ils vont probablement, ça va être probablement une surprise s'ils arrivent. Je vous le souhaite, en tout cas les accros, parce que sérieusement, avec CE dans la gang, ça rend la situation assez comique. Alors, en fin de semaine passée, on a eu un événement qui nous a touché les quatre en même temps, puis qu'on est allé, c'est le Comic-Con de Montréal, l'édition 2012. On a décidé d'y aller le samedi pour avoir une chance de tous se rencontrer ensemble. Et oh my god, qu'on a eu une journée chargée. Pas mal, oui. Chargée, tu dis? Ben bon, faut comprendre, Marie-Lune a eu la chance d'avoir sa fête en même temps dans sa même journée. Fait que mettons qu'on s'est couché très tard. Puis que la petite Marie-Lune, ben elle s'est pas mal courue partout. Mais on a eu du temps quand même de faire plusieurs choses, de voir plusieurs choses au Comic-Con. Vous autres, les gars, vous avez eu beaucoup de temps pour voir des choses là-bas. Oui, effectivement, oui. Qu'est-ce que vous avez fait premièrement? Je vais commencer avec Antithèse. Qu'est-ce que tu as fait principalement au Comic-Con? Moi, j'étais à la recherche de vieux comics que mon fournisseur, Mac Comic Hunter, qui habituellement me trouve tout ce que j'ai besoin en matière de comics. Eh bien, il n'avait pas les deux derniers foutus Ghost Rider Volume 3 qui manquaient. Je les ai trouvés. Nice. À même 20% de rabais. À 20% de rabais en plus. Fait que je me suis pas plaint. Bon, ça m'a coûté 24$ en tout. Mais c'est des comics, mais c'est des comics qui sont encore plus rares que la marque de Pab dans un bois. So, je m'en plains pas. Aussi, il y a un gars, puis je pense que toi, Retro, t'es le voir également. Il vendait des jouets. Je sais pas si t'en rappelles. Des jouets, mais il y a beaucoup de monde qui vendait des jouets. Hein. Non, mais t'as vu qu'il y avait vraiment une collection immense, pareil. Je me souviens pas. Ça a pas dû me marquer comme toi, il faut croire. Je me rappelle qu'on le voit dans ta vidéo. Fait que c'est pour ça que j'ai... Ah, ok, j'ai dû passer devant en faisant mon tournage. Ouais, c'est ça. Bref, le gars, ce gars-là, il y avait une figurine que je cherchais également depuis une belle lurette. Une figurine de Ghost Rider, je pense. Une figurine de Ghost Rider, mais pas une figurine, heureusement, de Ghost Rider Johnny Blaze, mais de son plus jeune frère, Danny Ketch. Here comes the shitter. 35$. Ok, puis ça valait-tu la peine? Ou... Actuellement, ça valait la peine parce que la figurine était en super bon état. En quelque part, ça fait tout ça avec ma figurine de Vengeance puis de Morbius. Mais le problème, c'est que j'ai payé Vengeance avec sa moto, 3$ au Comic-Con de décembre de 2011. Puis Morbius aussi, je l'ai pas payé très très cher. Fait que c'est lié aussi le fait que je pense que même sur eBay, le Ghost Rider avec Daniel Ketch. Il vend également très très cher. Fait que entre l'avoir là puis l'avoir sur eBay, j'ai estimé que le choix était évident. Alors si j'ai cherché d'autres, j'étais aussi là pour Black Flag TV. Ça, c'était cool de revoir Black Flag TV. Ça me fait, je trouve juste dommage parce qu'il y avait tellement de choses à faire comme Comic-Con. Qu'est-ce que Black Flag TV? Black Flag TV, c'est une compagnie qu'on peut retrouver sur blackflag.tv qui se spécialise beaucoup en court-métrage, moyen-métrage et long-métrage de films d'horreur. OK. C'est généralement géré par producteurs de renommée indépendante dans le circuit underground, excusez-moi. Circuit underground, son nom c'est SV Bell. Et après, je pense que c'est pas ça, c'est après 200 films d'horreur, mini-films d'horreur à son actif. C'est assez... c'est tout pour dire que dans Black Flag TV, c'est sa spécialité. Et sur blackflag.tv, on peut voir les 10 films gratuitement sur les... une bonne gain, en fait. Je vais pas dire toute la collection, mais une bonne gain peut être vue, peut être visionnée sur blackflag.tv. OK. Et nice. Mon petit cœur du Comic-Con, je peux me permettre, comme j'avais dit quand on s'est rencontré les quatre ensemble et que pour la vidéo de Retro Gamer. Ouais, que j'ai pas eu du bon son dedans. Là. Malheureusement, ouais, ça a été vraiment dommage parce qu'on a eu du plaisir à faire cette boucle. Ouais, c'est vraiment cool. C'était pertinent, et alors moi, je vais dire ce que j'avais redire, qui était mon coup de cœur, vu. Pour répondre à la question de Retro Jadif, règle 34. Oui, la fameuse règle 34 que je savais pas c'était quoi au début. La règle 34, ça ne toujours pas c'est quoi. C'est une règle sur Internet qui implique qu'un personnage qui est défini comme étant masculin, comme exemple Mario, est maintenant rendu au féminin. Et effectivement, au Comic-Con, je pense que ça aussi c'était vu dans la vidéo de Retro, on a vu Mario, Luigi, Wario et Waluigi en fille. Oh my god, c'était... Ouais, mais... Parce que mon commentaire, c'est que je les ai ramenés les quatre dans mon lit. Ah, c'est clair. mettons que j'aurais aimé un petit baiser sur les joues de chacune. Là. Ouais, c'est ça que tu penses dans ta tête, c'est sûr. C'est très, très joli. Non. C'était une belle photo, admets-le. Ah, oh, regarde, moi j'aurais bien aimé ça. Mais c'est... Je parlais à Marie-Lune. Elles sont photogéniques, je l'avoue. Bon, mais il faut dire qu'il faut quand même leur donner le crédit comme quoi que c'était original comme idée. Oui. Que quatre filles décident de se promener. Puis le pire, c'est que j'ai écouté le podcast des Mystérieux Étonnants ce matin. Puis ils disaient que moi, je n'avais pas remarqué leurs moustaches. Mais c'était vraiment les vraies moustaches de chacun des personnages. Ouais, qui était soutenu par une baguette, mais ça n'empêche pas le fait que c'était effectivement leur vraie moustache. C'est ça. Ils ont vraiment soigné les détails. Également, on a vu aussi Thor en fille, on a vu Iron Man en fille. Ouais. Alors, écoutez, c'est quand même génial de voir que les filles s'impliquent autant dans la culture geek qui, elles, supposément, « Oh, les filles, c'est pas fait pour geek. » Non, fuck you! Les filles ont autant le droit que les gars de s'impliquer dans la culture geek. Ils ont autant le droit de jouer à des jeux vidéo puis d'aimer ça. Effectivement. Ouais, personnellement, Mario ou Call of Duty, ils ont le droit. Oui, j'ai vu au Comic-Con plus de filles geeks que de gars geeks. C'est vrai, ouais, cosplay, ouais, c'est vrai. C'est vrai, hein? Oh oui, j'avoue que les gars, cette année, hein, on dirait qu'il y en avait quelques-uns qui avaient, on dirait, la gêne de porter un. Mais il y en a qui n'auraient pas dû en porter, à mon avis. Oui, hey, j'en ai vu. Je veux pas être chien pour ceux qui n'ont pas des... Je veux dire, en tout cas, j'ai vu un gros Batman, là. Ah, puis, je veux dire, à un moment donné, il faut avoir un respect de soi-même. Il y a ça, tu sais. Ouais, mais... Tu sais, moi, j'ai pas un corps d'athlète, là, j'irais pas me mettre quasiment à poil, tu sais, pour, je sais pas, dans un costume de gars qui est comme Thor, tu sais, je sais pas. En tout cas, ouais, mais au moins, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, je comprends. J'ai au vu moins... une mamie déguisée en Catwoman. Je l'ai vu, moi aussi. Je l'ai pas vu. J'ai pas vu. J'ai vu des cauchemars. Je l'ai pas vu, moi. Moi, je vais... Ok, on détourne le regard. Ouais, moi, je me rappelle d'avoir vu, c'était quoi? Ah, c'était un Mario, mais genre, tu sais, il y avait juste un chandail, puis une casquette, tu sais, genre, rouge, là, c'était juste à peu près ça, son costume. Puis le Mario, il était comme découpé en tissu, là, tu sais, comme mal découpé en rond, là. Ah, okay. C'était vraiment laid. Lui, je l'ai vu, je pense, en fait. Moi, j'ai vu aussi le Mario qui était... Quel malheur. Mario en steampunk, avec le chapeau melon, puis le... Ah, il était original, lui. C'est pas vu? Ah, il était comme en soupe de businessman, mais tu sais, avec un chapeau de Mario, melon, avec le signe de Mario, puis un petit monocle, la petite moustache, c'était vraiment, il était vraiment quelque chose. C'est des photos, mais c'est pour les photos de Comic-Con, là, sûrement sur le page Facebook du Montreal Comic-Con. Fait que, ah, il y en a une coupe, en tout cas, mais sur leur page d'eux autres, là. Ouais, c'est ça. Mais écoutez, là-dessus, côté cosplay, au moins, on est chanceux. On n'a pas eu un... On a eu la chance de ne pas voir de Sailor Moon cosplayé par un gars qui pèse 300 livres. C'est un fait. Ouais. Oh, mais il y avait un gars, par exemple, bien cosplay de Sailor Moon. Ah non. Ben, je l'ai manqué. Je l'ai pas vu, mais une chance. C'était pas sexy, mais pas du tout. J'ai de la peine pour toi, mon rétro. Mais quand tu peux t'expliquer, c'est quoi ce trip-là de se cross-dresser en là-bas? Ah, je sais pas. Par exemple, j'ai vu une belle Misty de Pokémon. Ouais. Je l'ai pas vue. Ah, elle avait des beaux cheveux roux, pis tout est quitte, là. Donc, c'est quelque chose. Elle était belle, ça. On va aller avec Marilyn pour apporter un petit peu de féminité dans la discussion. Ouais, pas mal, Merci! Ça fait plaisir! Alors, Marie, toi, de ton côté, t'as eu un petit peu moins de temps, mais t'as eu quand même la chance d'y aller au Comic-Con. Qu'est-ce que t'as aimé du Comic-Con? Moi, j'ai aimé que c'était beaucoup plus friendly qu'à l'Autochiton. J'ai remarqué, comme vous autres, que les cosplayers n'étaient pas exclusivement masculins. À l'Autochiton, moi, j'avais remarqué qu'il y avait beaucoup moins de filles qui se cosplayaient que de garçons, plus c'est pas mal le contraire. J'ai trouvé ça agréable de voir que des filles osaient affirmer leur geekitude. J'ai trouvé ça vraiment cool. Puis moi, personnellement, ce que j'ai aimé le plus, c'est ma participation à la conférence de Will Wheaton. Ah, raconte-nous ça. Oui, que j'ai vraiment apprécié. Il était très, très friendly avec le monde. Puis il a même, je pense qu'il a même dépassé d'une vingtaine de minutes. Eh oui. Ce qu'il était censé faire, puis il a vraiment pris le temps de répondre aux plus de questions possibles, puis de parler de tous les projets dans lesquels il était, de Big Bang Theory, de Tabletops, que j'ai vraiment que j'écoute en boucle depuis le temps. Tabletops, qui est une web série sur la chaîne YouTube Geek and Sundry, qui parle de jeux de table carrément. Il est vraiment passionné par ce qu'il fait, sérieusement, puis Franchement, j'ai vraiment adoré. Ça a vraiment passé très très vite, la petite heure et demie qu'on a passée là-bas, là. Sérieusement, là. Ça a été vraiment cool. Moi, j'ai surtout été avec Marie aussi dans la journée. Fait que j'ai vu à peu près les mêmes conférences, les mêmes affaires qu'elle. Pour ce qui est des magasins aussi, moi, j'ai beaucoup visité les magasins. J'ai pas eu la chance beaucoup d'aller dans les allées des artisans. Ça m'a vraiment déçu. J'aurais voulu aller voir plus les petits dessins que tout le monde faisait, mais je vais me reprendre l'année prochaine. Je vais prendre une passe 3 jours tellement que je veux tout voir la prochaine année. Même affaire pour moi et ma copine. On veut prendre une passe 3 jours l'an prochain. Tabarnak. Immanquable. 3 jours. Je vais être obligé de faire ça moi aussi. Non. Tu viendras dormir chez nous, là. On a un divan à lit pour toi. J'ai peur de ce que tu pourrais me faire durant la nuit. Inquiète-toi pas, je vais te protéger. Alors, on va dormir en cuillère. Je sais que t'es pas courant rétro, mais Marie-Lune atteint Big Ben en chaîne ce soir. Pas tant que ça, là! Ben, écoute, devant écoute, un petit gars à chier, là, tu sais. Vois que tu contiennes Big Ben avant qu'il devienne super Big Ben. C'est vrai, ça va venir bientôt, ça va venir bientôt. Ah ah! Puis toi, Rétro, qu'est-ce que t'as aimé de ton Comic-Con? Je sais pas, est-ce que vous avez vu les conférences de jeux vidéo, vous autres? Malheureusement, non, j'ai pas eu la chance. Moi non plus. Ok, vous êtes allé aucune. Moi, je suis allé avec, comme j'ai dit dans mon vidéo, avec peu d'intérêt à celle de Mass Effect 3 parce que j'ai jamais joué à Mass Effect. Fait que pour moi, c'était avec peu ou pas d'intérêt pantoute. Je suis sûr que si j'avais joué, peut-être que j'en aurais. Je pense que. Je sais pas vous autres, tu devais déjà jouer à Mass Effect. Oui, hein? Moi j'ai joué. J'ai commencé le 3, mais j'ai arrêté parce que j'étais rendu. Comment dire? J'aime le 3, mais c'est que j'ai tellement manqué des bouts parce que il faut que tu achètes les DLC du 2 pour comprendre pourquoi tu es rendu dans le 3. Ok. C'est ce que j'ai pas apprécié. Non, c'est bizarre. Ça. C'est vrai, parce que l'histoire continue dans les DLC. Puis, tu sais, dans le 2, tu réussis comme à sauver la planète, puis dans le 3, tu te ramasses en prison. C'est comme, ok, expliquez-moi. Qu'est-ce que c'est passé entre le 2 et le 3? Ça n'a pas été expliqué. Fait que j'ai comme fait, ah, oh, fuck, je vais être plus de m'acheter des DLC, tu sais. Fait que je vais m'emmener, je vais m'y mettre, je vais acheter au moins un ou deux DLC avant, puis je vais... That kind of sucks, hein? Ouais, pas mal, mettons. Sinon, à part ça, Rétro, qu'est-ce que t'as aimé d'autre? Ben là, je suis allé voir la conférence de Assassin's Creed. OK, puis qu'est-ce que t'as... Puis j'ai trouvé ça très informatif. J'ai bien aimé que les gars nous expliquent comment ils tiennent à ce que la ligne de temps de Assassin's Creed soit respectée. Et puis, ils ont des documents internes qui expliquent, genre, c'est quoi les liens entre tous les personnages et tous les intervenants, etc., etc. Ils nous ont montré un graphique assez complexe, là, de tous les liens familiaux, amicaux, etc., là. OK. Puis, tu sais, ils disent qu'ils veulent pas qu'il y ait de moins d'erreurs possibles au point de vue du canon dans tout ce qui est Assassin's Creed. Puis, ils disaient que tout ce qui est produit... Le livre, comic book, jeu, etc., film, c'est toutes des histoires qui sont interconnectées, tout est canon, puis tout est vérifié avant et approuvé avant que ça soit publié. Ben, au moins, ils ont le contrôle sur leur licence, pas comme Resident Evil, tu sais, on s'entend. Ouais, c'est ça. Puis même les objets qu'ils vendent sur le Ubi Workshop, c'est des objets que, soit qui vont apparaître dans un jeu ou dans un comic book ou qui ont apparu. Mais ils ont toute une signification connectée. Là. Oui, c'est un produit de marketing, mais en même temps, c'est quelque chose qui fait partie de toute la légende d'Assassin's Creed, etc. Donc, j'imagine que vous avez déjà joué Assassin's Creed. Oui, moi, j'ai fini le 1, puis je suis en train de finir le 2. Là. Bon, mais c'est ça, tout est interconnecté, puis il disait que même l'espèce de chose cagoule que tu peux acheter d'Abstergo, là, la compagnie... qu'on appelle Evil. Là. Mais il y a comme un code en code numérique à l'intérieur du gilet, puis tu peux rentrer ça sur le site de jeu de Facebook, là, puis tu as des infos là, okay. Par rapport à ce code-là. En tout cas, c'est j'ai trouvé ça très, très, très intéressant. Mm-hmm. Puis comme vous avez vu dans mon vidéo, il y a un sous-entendu. Oui. C'est la question qui a été posée. Si, en tout cas, ce qui laisse un sous-entendu, c'est ce qu'il a dit en répondant qu'il pouvait, il avait pas le droit de répondre là-dessus, tu sais. Mais tu sais, si dans ma tête à moi, s'il y avait pas de film de prévu, etc., il aurait dit moi, je suis pas au courant de rien, on n'a rien de prévu par rapport à ça. En général, c'est ça qu'ils disent. Ah, mais c'est sûr qu'il va se passer de quoi, je suis sûr et certain. Puis le fait qu'il ait juste dit ah, moi, j'ai pas le droit de parler de ça spécifiquement. Right. Ça laisse une porte ouverte. Effectivement. Donc, comme je dis, faites-en ce que vous voulez de cette réponse-là. Moi, j'ai tendance à croire qu'il y a quelque chose qui est en branle. Mais au moins, ils nous ont confirmé que ce serait une autre histoire totalement et non une histoire basée sur un des jeux qui existe déjà. Ben, c'est une bonne idée parce que de toute façon, il faut que... Tu peux pas réintroduire, surtout dans un film, si il y a plusieurs personnes qui ont pas joué à la série non plus, qui vont vouloir aller voir le film pareil. Fait que tu sais, faut quand même que tu les introduises d'une certaine façon, puis pas être obligé de les forcer à aller jouer au jeu. Non, c'est ça. Ils peuvent faire une histoire totalement différente, qui va être quand même liée dans le jeu, puis qui va être canon. Mm-hmm, effectivement. C'est ça qu'ils veulent faire, puis ils disaient que si c'était le contraire, ça serait d'être irrespectueux envers la franchise puis les fans de la franchise. D'accord. Donc, c'est les réponses qu'on a eues. Puis après ça, ben j'ai été tellement convaincu par cette conférence que je suis allé acheter les comics d'Assassin's Creed. Oui, j'ai vu ça. Moi, j'étais avec mon ami, puis on est allés tous les deux s'acheter les comics ensemble. Qu'est-ce que t'as acheté d'autre durant le Comic-Con? Ben, grâce à Antithèse, j'ai trouvé la boutique de jeux vidéo, la seule peut-être qu'il y avait dans le Comic-Con. C'est la seule que j'ai vu. C'était la seule. Ça s'appelle, ouais. Le Blue Griffin, le Griffin. Non, carrément, le Blue Griffin. Ouais. En anglais. C'est du Québec, ça. Et le pire, c'est que c'était à Montréal. Ouais. Ouais, c'était à Montréal, ça me semble. TheBlueGriffin.com. C'est la ville de la salle. Ah ouais? Pour voir la liste. Ouais. Bon, ok. Ben, j'ai acheté Russian Attack sur Nintendo, Astyanax Nintendo, Gradius 3 SNES, Mortal Kombat 2 que je pense que Big Ben a essayé d'acheter. Ouais. Puis moi, je suis passé après et je l'ai acheté. Je l'ai vu, j'ai fait comme. Attends, je vois. Tu sais, je suis pas sûr, je vais retourner. Tu sais, peut-être qu'il va être encore là. Je retourne. Ah, il voilà. Bon, je vais me pogner comme fou, tu sais. Puis là, t'as vu sur le forum que j'ai acheté ça. Ouais! J'ai c'est que c'est moi qui ai pensé à ça. J'ai retrouvé, j'avais Mortal Kombat 3, mais sur Genesis, fait que ça fait la même affaire, là, c'est correct. Combien déjà? Hein? 10 piastres. Combien déjà? T'es 10 piastres, là. Ouais, il était 10 piastres. Mais c'est ouais. Ça vaut ça. Non, c'est ça, regarde, c'est cool. Ça ressemble à ça, le prix, je pense. Mm. Puis sinon, à part ça, est-ce que t'as vu d'autres choses? Les nombreuses boutiques de comics dont j'ai rencontré PL, sa blonde, l'autre qui vendait le plus de trade paperback. Là, c'est là que j'ai acheté Resident Evil en trade paperback. Ok. Ouais, mais il vendait tout des trade paperback. Ça, c'est. Si je peux me permettre, c'est ça. Ça, c'est ma déception du Comic Con de cette année. C'est que tous les magasins vendaient les trade paperback. Vendaient exclusivement pour la passe-temps que du trade paperback. Pas tant de single issues que ça. Pour ceux qui. Ben... Moi, j'ai eu l'impression au contraire, moi. Ouais, moi j'ai fait le tour pas mal là, puis moi j'ai l'impression que c'était la seule place où oui, il y avait oui, juste expliquer c'est quoi les trade paperback puis les one single issue parce que je pense que c'est pas tout le monde qui peut s'attendre à savoir c'est quoi. Après toi rétro, tu veux que j'y aille? Non, vas-y. Okay, un trade paperback c'est dans le fond une recollection d'une série, que ce soit en fait une série ou une partie d'une série qui se passe déjà présentement, qui est courante, mais qui est en fond de storyline. Je donne un exemple. En fait, le meilleur des exemples, ce serait Batman, de Frank Miller, Batman Year One. Batman Year One, originalement, c'était, je pense, c'était 4 comic books. 4 comic books qui c'est ça à quoi je réfère que je dis c'est des 4 petits numéros. 4 petits numéros, c'est ça. C'est quatre petits numéros publiés par DC, écrits par Frank Miller, et qui ensuite, plus tard, généralement, ça peut prendre un an ou deux, les 4 numéros, c'est recompressé en un numéro, sans publicité, puis c'est ça que ça, qu'on appelle un trade paperback. Okay. C'est les 4 numéros en un grand livre. D'accord. Un autre bon exemple, c'est dans le fond Watchmen. Ok, oui. Watchmen, c'est, je pense, c'est une dizaine de numéros. Qu'est-ce que j'ai acheté, oui. C'est ça, ben c'est ça. C'est que toi, ce que tu as, c'est le trade paperback, 18 numéros okay. de Watchmen, encore une fois, sans publicité. Oui, c'est ça. Puis j'ai payé 10$ pour ce livre-là, qui envoie à peu près 22, fait que j'étais comme vraiment content, là. Écoutez, il y avait même V for Vendetta pour 15$. Ça, j'ai failli l'acheter, en plus. Moi, avec. J'ai hésité, j'ai dit, ah, au pire, je le reprendrai, je paierais 5$ de plus, là. Mais j'ai fait comme, ah, oh, pas grave. Mais je pense que, aussi que j'ai rencontré Retro, qui est mon fournisseur de comics, Mark Comic Hunter, pourrait avoir des, de toute façon, des trucs genre V for Vendetta ou The Killing Joke à des prix raisonnables. Puis, par rapport au cosplay, il y a eu beaucoup de monde qui se sont cosplayés durant l'événement. J'aimerais avoir chacun de vous votre cosplay préféré. Je vais commencer avec PL. Tain. Oh, Seigneur. Oh, my God. Écoutez, j'en ai vu un de War Machine qui était très bien. Honnêtement, sincèrement. J'en ai eu un de War Machine qui était très, très bien. À part de ça. Ah, il y en a un autre que je ne sais pas si on peut faire un cosplay. Mais c'est un armurier c'est un gars qui son métier c'est vraiment faire des armures, concevoir des armures. Son nom c'est Francis Bergeron. Je crois que c'est celui qui est dans le chevalier que Retro a dans sa vidéo. Le gars sur son armure est juste trop écœurante. Elle est juste trop malade. Ok. Je vais y aller avec Marie. C'est toi ton cosplay préféré. Là, je sais que tu viens de voir, Marie, une photo d'un bébé Wookie. Un bébé qui est dans un soupe de Wookie. Et je peux confirmer que le petit bébé, c'est une fille parce qu'elle a des bras roses. Donc, ça m'étonnerait qu'un petit bébé garçon ait les petits bras roses. Mais je trouve ça hyper mignon. Là. Je sais pas si vous pouvez aller voir sur le Facebook du Comic-Con de Montréal. C'est vraiment trop cute. Mais moi, j'ai eu une grosse faiblesse pour le Hulk, qui était vraiment cool. C'est vrai, ça. Ah, allez chercher la photo. Le Hulk d'à peu près 7 pieds, là. C'était quelque chose. Ah, c'était quelque chose. Le gars, il était badass, le Hulk, là. En fait, j'ai un autre cosplay que j'aimerais faire mentionner, mais je vais laisser le plaisir à Big Ben. OK. Lequel que tu voulais dire? Quand ce sera ton tour, tu le diras. Ben, je suis sûr que tu sais de quoi je parle. Ok, mais en tout cas, je vais dire celui que je pense, là, mais en tout cas, je vais laisser parler Retro avant, puis je vais finir avec la mienne d'abord. mis à part Marie-Claude Bourbonnais de Heroes of the North, je sais pas si vous l'avez vu, là. Oui. Oui. Bon, elle est là à chaque année. Elle est là à peu près à chaque événement, fait que. Bon, ça, c'était toujours très hot. Écoutez, j'ai un petit faible pour les femmes, hein, qu'est-ce que tu veux. Il y avait un costume d'Optimus Prime qui était pas pire aussi. Oui, oui, t'as raison. Je l'ai montré dans mon vidéo. Mm-hmm. Puis, à part ça, il y avait un Iron Man qui était pas pire. Le gars, il avait fait pousser sa barbe, toute la kit, pour ressembler à Rodney là, dans le nu. Celui avec le gant ou... Le gant? Ben, je sais qu'il y en avait un qui était déguisé en... Tony Stark, mais il y avait juste comme le gars d'Iron Man. Non, il y avait le costume au complet, l'armure. Ah, ok. C'était pas pire. Okay. C'est ça. Moi, mon petit faible, c'est pour une fille qui s'est mise en Dark Phoenix. Je sais pas si c'était celle-là que tu disais, PL. Non, c'était ton Retro l'avait nommé, c'est le Optimus Prime qui était quand même très bien fait lui aussi. Ben, moi, pour moi, ça reste Dark Phoenix qui était, oh my god. Génial. C'était Dark Phoenix, point, là. C'était Jean Grey. Aussi était bien faite, parlant de Dark Phoenix. Oui, il y avait une Jean Grey qui était habillée dans son saut des années 90. C'était vraiment hot, là. Oui. C'était vraiment... les deux étaient vraiment cute, sérieusement, là. C'était quelque chose. Puis, mention spéciale, je dirais qu'il y a des mentions spéciales aux filles qui étaient habillées en latex dans le... Mettons que, elle se faisait regarder, mais c'était pas pour les mêmes raisons. Et tu peux aller prendre des photos avec, c'était un stand, ça. Ouais, c'est ça, c'est un stand, mais j'ai jamais compris c'était quoi ce stand-là. Ben, le stand, dans le fond, c'est qu'il y avait plusieurs filles habillées en super-héros latex du genre de même. Hein. Puis tu pouvais, selon le montant d'argent que tu payais, tu pouvais avoir une, deux ou trois ou quatre, quatre filles avec toi dans la photo. Ouais, c'est que. Ouais, mais moi, j'aurais pas. J'ai même pas voulu payer 10$ pour avoir la photo de la Batmobile, fait que. Ouais, mais je voulais y aller au stand des filles en latex, mais j'ai pas eu le temps. Fait. Ah, ok, ok, ok. Ben, c'est plus qu'on n'a pas eu vraiment la chance de se rendre jusque-là. Oh, Marilyn, elle vient de découvrir un autre cosplay qu'elle aime bien gros. Ah bon? Connaissez-vous le film Kick-Ass? Ben oui. Ouais. Moi, il y a deux personnages, deux cosplays qui m'ont vraiment accroché. Kick-Ass et It Girl. Que j'ai vraiment trippé, personnellement, parce que la petite It Girl avait probablement au moins juste 11 ou 12 ans, pas plus pour vrai dans la vraie vie. Mm-hmm. Puis là, ça m'a vraiment fait « Wow! » OK, j'ai l'impression qu'il sort direct du film. Il était vraiment réaliste, là. C'était vraiment beau, là. C'était vraiment, vraiment le fun. Ils ont fait une performance pour la mascarade junior. Puis c'était vrai, puis c'était très divertissant quand c'était rendu au Kick-Ass puis It Girl. C'était très, très divertissant. Ben, la mascarade, de ce que toi puis mon ami David m'a dit, c'était pas bien bon. C'était pas... Le setup, il faut le dire, le setup n'était malheureusement pas professionnel. T'as eu Joker qui a sauvé les meubles. ou c'est pas des farces. Joker a sauvé les meubles. Mais sinon, de toute façon, quand tu vas voir la mascarade, tu vas là pour voir les costumes. Bon, il y a eu du niaisage, mais... Heureusement, vu que tu as pu voir des beaux costumes, dont un de Vaiti qui était assez impressionnant aussi. Mm-hmm. Garde, tu peux fermer, si t'es indulgent un petit peu, tu peux fermer un peu les yeux sur le manque de professionnalisme de la part des organisateurs à ce niveau-là, mais en même temps, il faut aussi qu'elle se mentionne pour que la prochaine fois, ça soit mieux fait. Merci Retro de m'avoir beaucoup, envoyé beaucoup d'improvisation, peut-être même trop en fait. Okay. Merci Retro de m'avoir envoyé la photo d'Iron Man. C'est vrai que t'as raison. Je l'avais vu, mais ça m'a pas sauté à la tête. Je m'étais pas rappelé de lui, mais oui, c'est vrai, t'avais raison. Il ressemble vraiment à Iron Man. Ah, il ressemble à lui. Oh oui, la photo est vraiment bien faite. Sinon, à part ça, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Au Palais des Congrès, comment avez-vous aimé ça? Avez-vous plus aimé ça? Toi, je sais que Reto, t'es allé l'année passée. Ouais. C'est une nette amélioration. Qu'est-ce que t'as aimé le plus? C'était beaucoup mieux organisé que l'année passée. Parce que l'année passée, c'était un bordel monumental. Les volontaires, ils savaient pas trop où te rediriger. Et des fois, ils t'envoyaient aux mauvaises places. Il y avait beaucoup trop de monde pour la grosseur, parce que la place Bonaventure, c'était plus petit, là. Mm-hmm. Puis, bon, il y avait beaucoup trop de public général en après-midi. OK. Ce qui était carrément différent cette année, parce que les prix sont un petit peu plus élevés que l'année passée. Donc, l'année passée, il y avait beaucoup trop de petites familles qui, je pense, ne savaient pas trop c'était quoi le Comic-Con, puis ils étaient là, avec leurs bébés, puis leurs mm-hmm. plein d'enfants, là. Puis, on était serrés comme des sardines l'année passée. Cette année, c'était moins pire. C'était mieux organisé. Les volontaires, ils savaient où t'envoyer si jamais tu avais des questions. Il n'y avait pas de problème. Enfin, cette année, il y avait un restaurant intérieur sur le plancher. Les prix étaient chers, selon toi? Oui. Oui, mais ça t'évite de sortir, puis t'es encore sur le plancher, puis bon. Parce que c'était pas mauvais. Trois pièces pour un coke, déjà en partant. Ouais, mais en même temps... Tu tires ton coke. En même temps, c'est des prix normaux pour ce genre de truc-là. Parce qu'il y a ça. Parce que moi et Marie, on a décidé d'aller au sushi shop qui était juste en bas. Ça nous a coûté comme 15$ pour les deux. Ouais, ok. Mais ça, système de sushi, c'est le fun, là, mais après ça... Ben, j'avoue que les restaurants en bas étaient tous bondés. Ouais, on était chanceux, le sushi shop, c'était celui qui était le moins rempli. En tout cas, la bouffe était bonne. Moi, j'ai mangé au resto qui était sur le plancher principal, mm-hmm. là, où il y avait tous les exposants, puis la bouffe était pas pire. Sérieux, ouais. C'est juste cher, mais bon, au moins, était excellent. Moi, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas pris, comme au Takuton. Le Takuton, eux autres, ils avaient pris l'étage où il y a la cafétéria. Puis c'était le Comic-Con ne l'ont pas pris cette année. OK. Je sais pas si c'était un choix interne pour éviter que... je sais pas, pour pas que le monde aille tout manger là, mais en tout cas... Mais qu'est-ce que tu veux dire par l'étage cafétéria? Il y a un étage, dernier étage du complexe des jardins. Okay. Il y a vraiment une cafétéria. OK. Et grosse, grosse. Mais en tout cas, il y avait beaucoup de place pour s'asseoir là. Ouais, mais là, là-bas, t'avais des tables, puis tu pouvais même... Mais t'avais des tables? Ah oui, il y avait des tables. Il y avait des tables? Mais oui, là, tu parles du traiteur qui est à l'extérieur de la grande salle. Oui, oui, je parlais du... Ah, mais à l'intérieur, là où il y avait les exposants, il y avait aussi un endroit pour manger. Ça, je n'avais pas vu. Bah. Oui, effectivement. C'est là où il y avait la conférence de Will Wheaton. Ah, okay, juste à côté, tu avais toutes les tables, puis tu avais le traiteur. Ah, OK, je pensais que c'était là la compétition du jeu de cartes. C'est mon erreur à moi. Non, ça c'était en haut. Ça. C'était l'étage où il y avait les conférences. Tu avais une salle de gaming où le monde pouvait jouer à des jeux vidéo en ligne, tout le kit. Là. Puis, quand je suis allé une fois là voir, d'ailleurs, puis il y avait juste 6-7 personnes dans cette salle-là. Oh! Ça pourrait être étrangement, il y avait plus vers 7h30. C'est ça, 7h30, Beg? Mm. OK, en soirée? Ouais. Dans la soirée. OK, mais en journée, il n'y avait pas grand monde. Là. On est allé voir Kill Shakespeare, puis il y avait un petit peu de monde quand même dans ce coin-là, là, mais j'ai pas rentré dans la salle, j'ai pas été voir. Il y en avait une vingtaine. OK. Bon, OK, ça s'est amélioré en soirée. Ah, oh, ça se peut. Mais non, c'est ça. Par rapport... sinon, qu'est-ce que vous avez aimé pour l'organisation? Est-ce que vous avez été bien accueillis? Est-ce que vous avez... Oui. Ouais. Oui, c'était mieux organisé pour les fils aussi, cette année. Ouais, c'est vraiment bien de ce côté-là aussi. Là, j'ai pas eu l'impression que je me perdais de ce côté-là. C'était vraiment bien organisé, sérieusement. Ils nous ont fait rentrer par batch, ouais. Ce que j'ai trouvé excellent. Oui, parce que l'année dernière, ils nous ont fait rentrer tout en même temps. OK, parce que nous autres, c'est ça, on a attendu 45 minutes, PL puis moi, puis Marie. À peu près. Puis non, sérieusement, j'ai quand même trouvé le temps qui se passait assez rapidement. Puis j'avais un ami qui était là depuis 8h30 le matin. Pour aller s'acheter un billet. Puis il a passé à peu près en même temps que nous autres. Puis nous autres, on a passé, c'était quoi, 10h15 à peu près? OK. 10h, à peu près ça, 10h15. Un petit peu plus tard, ouais. 10h30 à peu près. Fait que, tu sais, ouais. On était correct, là. Ça avait de l'allure, là. Pour ce qui est des kiosques, les magasins. Est-ce que vous avez aimé les magasins? Comment c'était placé? Comment la variété de magasins? Oui. Oui, puis non. Explique-moi. Est-ce que je pourrais dire ça? J'aurais aimé que les magasins ou les exposants soient placés en parallèle avec les murs larges. OK. Je sais pas si vous comprendre. Au lieu d'être placé en ligne, je sais pas comment m'expliquer. Dans le fond, quasiment en croix, si vous voulez, au milieu. Il y avait d'un côté quelque chose comme 3-4 magasins qui étaient en plein milieu, mais comme Rétro dit, il marque un point là-dessus, je trouve. Il y avait un gros long du mur. Mm-hmm. Effectivement, pour permettre à faciliter le browsing, pourquoi ne pas avoir mis, excusez pour l'anglicisme en passant, pourquoi ne pas avoir mis les magasins contre le mur pour, comme je répète, dégager puis permettre un plus grand espace d'exploration? Je pense pas, parce que il y avait tellement de magasins que je pense que ça aurait pas pu permettre une meilleure circulation. Mm. Si tu aurais voulu aller voir tel magasin puis tu aurais eu une molle de fil de personnes, t'aurais peut-être découragé d'y aller. Mm. Moi, c'est mon avis, là. Bon, je sais pas. Puis en plus, faut que tu penses quand même aux petits artisans qui étaient dans le fond de la salle qui. En tout cas, une meilleure organisation pour qu'on ne voie pas les portes d'hangar. Là, OK. Machin. Okay. Toi, Marie, qu'est-ce que tu en penses? Personnellement, c'est peut-être moi qui n'ai pas assez geek. Moi, j'ai trouvé que c'était assez redondant comme titre de kiosque. Personnellement. Il y avait beaucoup, beaucoup de BD, oui, tout dans le même batch, là. Mais j'aurais aimé ça qu'ils fassent en sorte qu'on sache quel type d'exposants sont à telle place, tout ça, pour pas qu'on se cherche et qu'on se perde trop souvent non plus. J'ai un exemple, j'ai voulu aller chercher le kiosque du Comic-Con, tout simplement. Puis, il a fallu que je me perde dans la foule pas mal pour aller le trouver. Au moins qu'il y ait une genre de petite carte à quelque part dans la salle des exposants qu'on puisse savoir, vu qu'il y en a tellement des exposants, justement. que savoir, bon, mettons, qu'ils fassent, je sais pas moi, quasiment exemple de magasin, dans telle rangée, il y a tels exposants, dans telle rangée, il y a tels exposants, qu'on puisse s'organiser un petit peu mieux en tant que fan de ceux qui vont là-bas, disons. C'était quand même pas pire, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de redondance, mais dans un sens, il faut s'attendre à ce que les compagnies de ce genre-là se pitchent toutes pour aller en même place. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est peut-être un petit peu plus de kiosques de jeux vidéo, mais moi, c'est personnellement. Je vais peut-être c'est en avoir plus l'année prochaine. Peut-être plus l'année prochaine, non. Parce que c'était nouveau cette année. Oui. Mm-hmm. Je touche du bois, j'espère avoir la chance d'en retrouver plus prochaine fois. Mais tu sais, même quand on y va au petit, d'habitude, Antithèse puis Marie, il n'y en a pas ben de kiosques qui ont plus de différence aussi. Il faut s'entendre à ça. Oui, c'est vrai. Mais tu sais, bon, je touche du bois. L'année prochaine, peut-être qu'il va y avoir un autre magasin de plus. Ce serait vraiment le fun. Ça me permettrait d'avoir un petit plus de variété de jeux. Parce que heureusement, j'étais content quand même des jeux qui vendaient là. Sinon, à part ça, moi j'ai beaucoup aimé les prix. Sérieusement, c'était le fun d'avoir des 20-25% de rabais sur des BD. Moi, mon Watchmen à 10$, j'ai vraiment été content. Il est en très bon état. C'est neuf. Oui. J'ai été vraiment content. Les prix pour vous autres, qu'est-ce que vous avez trouvé? Ça avait-tu de l'allure? Oui. J'ai des affaires que c'était vendu au prix du tag, là, mais. Ben, je pense qu'en fait, pour argumenter, j'ai bien réfléchi. Je pense, tu sais, le Resident Evil que t'as acheté chez Mark Comic Hunter? Ouais, je l'ai payé au prix du cover. C'est ça. Fait que sinon je pense qu'il... Je pense que lui, ou comme les autres magasins, il vendrait genre 25$. Fait que bon, oui, tu sais, 25$, mais quand même. Quand c'est bon avec les Comic Con, c'est comme, pour résumer ce que tu viens de dire, Ben, c'est le fait que... Des fois, tu peux trouver des bons coups, tu peux trouver des bons spéciaux. Cependant, c'est pas tous les magasins qui étaient aussi généreux. Non, ça, je sais. Je pense que je suis passé. Ça, c'est bien dommage. Ça, c'est très dommage. Je sais pas si je suis Millennium, mais je pense pas que Millennium le faisait des deals. Quand je suis passé, j'ai regardé rapidement, mais j'ai pas rien vu. Puis il y avait d'autres magasins qui venaient d'ailleurs, là, puis ils faisaient des deals avec 25-50%, là. Fait que, tu sais, c'est ça que j'ai trouvé ça plate, là. Encore là, peut-être qu'il aurait fallu qu'on reste ou qu'on vienne le dimanche pour voir les meilleurs deals. Oui, c'est vrai, parce que le dimanche, ben, tu sais, les commerçants veulent pas rembarquer le stock, fait que souvent, ils vont te faire des méga deals de la mort, là. Mais c'est pour ça que l'année prochaine, 3 jours, je pense que ça va être un bon investissement. Marie, toi, ton avis, 3 jours aussi? Oui, 3 jours aussi, puis ça va me permettre aussi, dans mon cas, si c'est dans les mêmes dates que cette année, de moins me courir partout. Oui, parce que on a fait la fête à Marie-Ève samedi soir, puis on était pas mal épuisés les deux à la fin. Fait que Big Ben, Marie-Lune, Antithèse et Trinity, 3 jours. Oui. Mais qu'est-ce que tu voulais dire? C'est ça, c'est que vu qu'elle avait eu son là, je partais en plus. Fait que il a fallu courir. Puis probablement ça tombe à peu près les mêmes dates. Je sais pas, ils ont-tu publié les dates de l'année prochaine? Ça a-tu été confirmé pour l'année prochaine? Pas encore. J'espère que ça va tomber à peu près dans les mêmes dates, selon moi, là. Si c'est sûr qu'ils vont en refaire un autre l'année prochaine avec la publicité qu'il y a eu cette année. Ça a été publié partout, sérieusement. Mais il en parlait partout. Fait que je vais toucher du bois. Je vais espérer qu'il revienne l'année prochaine. Puis s'il revient l'année prochaine, ça va être un 3 jours. Fait que. Est-ce qu'on rajoute. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose à cet épisode-ci? Non. Ok, je pense. Oui. Peut-être me rappeler les gens une dernière fois pour ce vendredi pour le. Torchlight 2, 20h, rajoutez-moi dans votre ami Steam, Accro des Jeux, c'est mon nom là-dessus. Rajoutez-moi, puis je vais essayer de former des groupes, parce que je pense que c'est juste 4 personnes, mais je vais former des groupes à tout le monde, qu'on puisse finalement s'arranger pour faire des games avec au moins un accro chaque. Puis sinon, ben le 29, n'oubliez pas, notre spécial 3 ans, des prix, on va avoir du fun. Mm-hmm. Et beaucoup de rigolades, je le sens. Et beaucoup de niaisages. Et beaucoup de questions répondues par les accros. Fait que préparez vos questions, la gang. Des questions originales, ça serait le fun. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Effectivement. Alors, sur ce, on vous dit merci beaucoup, les accros. C'était le Big Ben. Antithèse. Rétro Gamer PQ. Et Marie-Lune. Pour le podcast des accros, l'édition du 18 septembre 2012. Merci beaucoup et à la prochaine.